Vous voulez vous payer une bonne bouffe et vous avez peu de temps à votre disposition? Le restaurant Midas est l'endroit idéal pour vous, avec la pizza et l'excellent poulet frit qui font le délice de tous et qui est offert dans un délai rapide avec le sourire. Le restaurant Midas, 1084 route 169 Saint-Félicien, 418-679-0900. Visitez notre page Facebook pour vous informer de nos différentes promotions. Le propriétaire Danny Potvin et toute son équipe souhaitent la meilleure des chances à Marianne Saint-Gelais et Cassandra Bradette pour les Jeux de Pyeongchang. Pour tous vos problèmes électriques, que ce soit industriel, commercial, institutionnel ou résidentiel, les électriciens du Nord, un incontournable en affaires depuis 1977, notre équipe possède le savoir et l'expérience pour répondre à tout besoin. Les électriciens du Nord, 1025 Première Rue à l'Ascension, au 418-347-5103, ou visitez ledn.com. Monsieur Ghislain Tremblay et tout le personnel des électriciens du Nord invitent toute la population à la classique hivernale de Saint-Ludger-de-Milo et félicitent les organisateurs. Présentation du UFC 221 qui a lieu en Australie. Ça semble pas vraiment une carte super extraordinaire. Quoi qu'il en soit, on en parle avec notre ami Claude Perron. Salut Claude! Salut Danny. Oui Claude, effectivement, donc c'est le UFC 221 en Australie et je regardais les combats intéressants. Il y a Yoel Romero contre Luke Crawford, c'est le combat principal, mais il y a Mark Hunt contre Curtis Blaydes. À part de ça là, c'est pas des noms que moi je connais. Non, c'est plutôt il y a pas mal des gens un peu locaux là-bas. Pardon? Il y a pas mal des Australiens, hein. Ouais, c'est ça. Il y a des gens locaux, puis des gens moins connus un peu. Fait que c'est pas une grosse carte. Il y a de bonnes finales, là, puis il y a de bonnes demi-finales. Mais c'est sûr que c'est pas la grosse carte de l'année, là. OK. Parle-moi de du combat de la carte opposé à Mark Hunt. Ça, c'est un gars qu'on connaît, évidemment. Oui, ben écoute, Mark Hunt, tout le monde le connaît. Il a déjà eu des combats de l'année. C'est un gros bonhomme. C'est un gars qui est spécialiste du debout. Puis là, il va affronter un autre adversaire qui lui aussi est spécialiste du debout, qui a 8 victoires et une défaite. Sa seule défaite est arrivée d'ailleurs contre Francis Ngannou, celui qu'on a vu là en finale du UFC 220 il y a quelques semaines. Mm-hmm. Alors, c'est pas non plus, c'est pas un pied de céleri comme on dit, mais ça va être tout qu'un combat pour les amateurs de debout. En tout cas, c'est sûr que ça ira pas au sol. Ces gars-là, ils iront pas jouer là, par terre. Là. Ils vont se taper dessus toute la soirée, puis ça va se lancer des bombes. Donc, ça, pour le spectacle, ça va sûrement être un très, très bon combat. OK. Ensuite de ça, le combat principal. Oui, combat principal qui on va avoir Luke Rockhold contre Yoel Romero. Là, il y a un petit problème à peser. Romero, malgré 2 tentatives, il est arrivé 2-3 livres plus pesant. Donc, c'était pas un combat de championnat, mais là, il va trouver d'en remettre une partie de sa bourse, là, je suppose, à son adversaire. Sinon, si on parle des styles des combattants, ben Rockhold, on sait qu'il a perdu sa ceinture. Il était champion. Il a perdu sa ceinture contre Michael Bisping. Okay. Il était pas content. Mais bon, lui, il disait que c'était plus de la chance ou autre chose. On va le voir. Écoute, Rockhold, il est vraiment, vraiment complet. C'est un gars qui est très puissant. Il est bon au sol. Il est bon debout. Là, il se prend contre un adversaire, Yoel Romero, qui est en fin de carrière un peu, mais c'est un ancien judoka olympique, Romero. Okay. C'est toute une bête, là. C'est un spécimen physique. Par contre, Romero, quand tu réussis à passer le premier round, il se fatigue vite. Donc, on sait que Rocco, lui, est très, très, très en forme. Ça va nous donner un bon combat parce que Romero est très, très explosif. Là. Comme je vous disais, c'est un spécimen physique. Okay. Puis il mise beaucoup là-dessus. Ses amenées au sol sont spectaculaires. C'est un judoka, comme je disais, de niveau olympique. C'est sûr que son debout est moins spectaculaire un peu, mais il va beaucoup en force et en puissance. Là. Okay. Donc ça va nous donner un très, très, très bon combat aussi. OK. Donc, ça fait pas mal le tour. Je veux te parler des petites nouvelles. Qu'est-ce qui s'est passé la semaine passée dans l'UFC Fight Night? Hein? Parce que j'écoutais Yves Leving cette semaine puis qui disait que c'était inacceptable ce qui s'était passé. C'est une combattante, dans le fond, qui semble-t-il, qui en mangeait toute une, puis l'arbitre a décidé de ne pas arrêter le combat, quoi? Ouais, selon la plupart des gens, là, il aurait dû t'arrêter un peu plus de bonheur parce qu'il y avait vraiment un mismatch. Là, la fille était pas dans le combat. Puis, c'est sûr qu'un arbitre, il est là pour protéger le combattant parce qu'un combattant, il se protégera pas lui-même. Dans le sens que lui, les combattants, ils vont se battre jusqu'à quasiment crever. Là. Ouais. Ils arrêteront pas. Il n'y a pas un combattant qui va vouloir arrêter parce que c'est du monde qui... qui arrêtait, ça serait pas des combattants. Ah ouais, c'est sûr. Fait que le combattant, il continue. Lui. Fait que l'arbitre, c'est important. Il est là pour protéger le combattant contre lui-même un peu. Donc, ouais. Il aurait probablement dû l'arrêter avant. Moi, par contre, souvent, avec les femmes, ce que je remarque, c'est que des fois, les arbitres sont moins tolérants. Ils arrêtent les combats un petit peu plus de bonne heure, on dirait. Okay. Quand c'est des femmes. Tandis que là, il l'a laissé aller peut-être un peu trop longtemps, à manger des coups pour rien, c'est sûr. Mais bon. Moi, je trouve pas ça scandaleux. Là. Il aurait pu l'arrêter avant, c'est certain. Okay. Mais c'est pas la première fois que ça arrive, ce sera pas la dernière non plus. Parce qu'on dit que c'est un bon arbitre, puis que Yves Levin dit que c'est un des bons arbitres là, du UFC. Oui, Yamazaki, c'est ça, il a arbitré, il est là depuis le début, là, puis il a fait des combats de championnat. Il a tout fait, mais c'est ça, des fois, il en échappe, ça peut arriver. Ben oui, ça arrive à tout le monde aussi. Là. Ronda Rousey qui s'en va dans WB, donc ça veut dire qu'on ne la reverra plus. Ah, je crois pas. On avait déjà parlé ensemble une couple de fois. Là. C'est une femme qui s'entraîne depuis qu'elle a 10-12 ans, là, qui a fait au niveau olympique, qui n'a jamais arrêté. Puis là, ben, elle a fait beaucoup d'argent. Je pense qu'elle avait des enfants. Elle a passé à autre chose. Puis la lutte professionnelle permet quand même de s'amuser parce que ces gars-là, ils jouent dur. Là. On se comptoie pas de peur. Là. Mais par contre, c'est ça limite quand même les dégâts et les dommages qui peuvent être faits. Puis tout ça. Puis lui aussi, je pense que la lutte a toujours aimé ça. Elle s'en est jamais cachée. Fait qu'elle va essayer ça pour un bout et on va voir qu'est-ce que ça va donner. Mais elle va aller s'amuser là. L'histoire va retenir de Ronda Rousey? C'était la première combattante, c'est elle qui a fait la première grande finale des arts martiaux mix. Est-ce que l'histoire va pouvoir. Dans l'histoire du UFC, est-ce que ça, c'est aussi grand que George, c'est aussi grand qu'Anderson Silva? C'est quoi que tu retiens de Rousey? Ben, Ronda Rousey a été. Écoute, déjà que les femmes, ça faisait pas long. Dana White avait déjà dit que jamais il y aurait de femme dans l'UFC. Il avait commencé par ça il y a quelques années. Ensuite, c'était un peu en voyant Ronda Rousey puis tout ça, que ça lui a donné vraiment le goût de dire oui, il y a des femmes compétitives puis tout ça. Puis c'est une femme qui écoute. Elle a tout qu'un caractère. Elle était très, très agressive. Elle avait de la drive, comme on dit. Là. Puis écoute, elle était. Ça a arrivé dans le moment que l'UFC cherchait un peu une vedette dans le sens que George n'était plus là. Puis Ronda Rousey a porté le UFC pendant une couple d'années là, à bout de bras. Là. C'était elle la tête d'affiche. Puis c'était une femme en plus, donc c'était impressionnant dans ce sens-là. Ouais. C'est sûr, il y a eu des pionnières avant. Il y a eu Gina Carano avant, qui avait ouvert la porte, puis tout ça. Puis même Chris Cyborg était là depuis un bout aussi. Mais Rousey, c'est vraiment elle qui a canalisé là, les fans. Là. Autant il y en a qui l'aimaient, d'autres qui ne l'aimaient pas. Mais tu sais, elle était très polarisante. Là. Ouais. Donc, c'est sûr que ça va laisser quand même son legacy, comme on appelle, là, dans l'UFC. C'est de valeur qu'elle ne revienne pas. Moi, je pensais peut-être qu'elle allait revenir pour un ou deux combats. Mais bon, ça ne s'est pas passé comme ça. Mais je ne crois pas qu'elle va revenir. Non. Mais non, c'est clair. Claude, autre chose que je veux te parler, c'est le 25e anniversaire du UFC cette année. Est-ce qu'il va y avoir des festivités, tu sais-tu? Bon, ça se parle un petit peu, mais on n'a rien vu encore de vraiment concret. Mais je suppose qu'il va y avoir un ou deux gros galas ou une fête. Je peux pas dire c'est quoi les plans dans ce sens-là. J'ai pas suivi là, cette partie-là. As-tu écouté, même si c'est de la boxe, as-tu écouté le documentaire Journeyman? Non, j'ai pas écouté. OK. Journeyman, c'est un combat, ça passe actuellement à RDS. C'est des combattants c'est des boxeurs qui servent à des prospects à monter des fiches souvent. Et le même scénario se fait dans l'UFC, j'imagine, là. Parce que, Bernard Barré me contait que 4 rounds, 800$. Quand t'as payé ton entraîneur en plus de ça, il reste quasiment rien, puis des commotions cérébrales, il y en a en masse. Est-ce que c'est le même scénario s'applique dans l'UFC ou pas vraiment? Un journeyman, c'est quelqu'un qu'on sait, c'est un combattant qu'on sait qu'il ne sera jamais champion. Oui, c'est ça. Ben souvent, ces gens-là ne s'entraînent même pas comme des vrais professionnels. T'sais, ils s'entraînent, mais ils savent qu'ils ne feront pas une grosse carrière, mais ils aiment ça pareil, puis ils servent, comme tu dis, ils servent de marche pour les autres. Ou ça arrive aussi dans le MMA. Par contre, en MMA, la différence culturelle au niveau de se bâtir une fiche, là, en MMA, tu ne te bâtis pas une fiche. En boxe, il commence à affronter des adversaires valables. Quand c'est un prospect, je parle, il commence à avoir des adversaires valables quand ils ont 15 combats, là, 15-20 combats. En MMA, c'est pas du tout ça. Là. Tu peux avoir des adversaires valables très, très tôt. Donc, les défaites sont pas aussi mal vues qu'en boxe. Là. En boxe, ils essaient tout d'arriver avec des fiches de 15-0, 20-0. Là, c'est là qu'ils ont des championnats. En MMA, c'est pas tout à fait. Tu peux arriver dans un combat de championnat avec une fiche de 12-3, il n'y a aucun problème. Donc, il y en a aussi des journeymen, comme on dit, mais c'est peut-être moins, vu que le sport fait que la philosophie fait qu'on se monte moins des fiches. Le phénomène est moins grand un petit peu, mais oui, il y en a. OK. Donc, et est-ce que ça va être réglementé? Est-ce que c'est... Parce que Georges Saint-Pierre parlait d'une association, puis moi, ce que j'ai remarqué cette semaine, c'est qu'il n'y a pas... Tu sais, les boxeurs, à quelque part, devraient peut-être faire une... Je suis pas syndicaliste du tout, là. Il aurait dû se faire, à quelque part, une espèce d'association pour faire monter les prix. GSP voulait en faire un pour faire monter les... Quand tu sais que le UFC, Dana White fait des millions avec ça, même des milliards, puis que t'as des combattants qui gagnent vraiment pas cher, est-ce que ça va monter aussi? Ah, je sais pas. Et en plus, ils ont quand même de la compétition, le UFC avec Bellator. Oui, ça a tombé mort, cette histoire-là. Là. Ouais. On a entendu parler beaucoup, là. Ça avait fait du bruit, genre, ouais. Là, ça en était mêlé un peu. Mais, vois-tu, on n'a plus entendu parler, là. Ouais. McGregor, de Saint-Pierre, tu crois ça à ça? J'ai l'impression que Georges... Ça serait le fun. Ouais. Mais McGregor, McGregor, il y en a plusieurs là, qui l'attendent dans le coin. Là, ouais. Parce qu'il n'a pas lavé sa division du tout. Là, ni à 145, ni à 155. Okay. Ouais, ouais. J'ai fait battre par Nick Diaz à 170. Ça, on va voir ce qui se passe. Mais moi, j'ai hâte qu'il revienne pour qu'il se fasse fermer la trappe. Ben ouais. Puis ça reste que ça serait pas mal le combat le plus lucratif de l'histoire du UFC et de Dana. Ah oui, ça serait quelque chose. Ça, ouais. C'est sûr. Claude Perron, gros merci. On s'en parle pour le 222. Merci. Claude Perron, notre spécialiste d'arts martiaux mixtes.